Je sais pas s'ils vont laisser dire Chris à la TV, non, je sais pas. ma prochaine chanson, il y en a plusieurs qui la connaissent. C'est une chanson que j'ai composée un peu en hommage au groupe Caïn, qui est un très bon groupe que tout le monde aime. Y a-tu des fans du groupe Caïn ici? Ok, c'est beau. Je suis sûr que ça me tente encore de la chanter, là. À Choc FM, bien sûr, ben à 70%, qui est notre émission. Et puis, ben ça, c'est pour toute suggestion. Vu de même, vu de même. Non, mais en fait, ce que j'ai fait, je suis content que tu parles de ça, en fait, Mathieu, parce que j'ai pris un petit peu toutes leurs paroles de tous leurs albums, je les ai mélangées ensemble, puis, tu sais, ça reste dans le beat, là, tu sais, je pourrais leur vendre, puis c'est ça, là. Vous pouvez hein? me contacter via Choc. Ouais, c'est ça, là, tu sais, que j'ai fait comme sinon, ben, gros mélange. J'avais pas tant de mots que ça, c'est ça qui était cool. Ouais, les mêmes revenaient souvent, ça a bien à donner. Ça s'appelle Ma Péninsule. Et puis, cela dit, on va faire un petit chant du signe de l'événement avec ce qui était rendu la grande salle officielle. Oui, c'est ça, ouais. Je veux te faire l'amour, c'est intense comme feeling. Je vois le paradis à tous les jours caché dans ton G-string. T'es peut-être mon âme sœur, t'es peut-être juste une amie ou la fille que je viens de croiser à l'épicerie. Qu'importe, à ce soir, je t'emmène à l'hôtel. Madame, dame, dame, wow. On va faire l'amour ensemble. J'vais être ton yang, toi mon ying. Oublie donc la fenêtre de la chambre. Donne directement sur le parking. Le passé est fini, le futur existe pas. L'important c'est le moment présent. Pis que demain matin t'es colissé ton camp. Viens donc dans la nature. Écoute le lit taper sur le mur. Je viens de battre mon record de vitesse. On va couper des arbres, entailler des érables, pis en faire des planches de 2 par 8. Fait que surprends-toi donc pas. Si à soir je m'endors vite, c'est toi ma péninsule. J'espère pour toi que tu prends pilule. Viens caresser le ciel. J'espère que tu t'es trimé le poil. Viens écouter les outardes qui disent que je viens de chanter une toune de marbre. Même si je suis mal intentionné, tu me dis que t'as eu du fun. T'as tellement insisté pour avoir mon numéro de téléphone. Je veux qu'on garde nos distances, mais si tu veux m'appeler, tu peux toujours. Mais t'as des maudites bonnes chances que ça réponde le clampin de ton bonjour. Viens donc dans la nature, écoute le lit taper sur le mur. Y'a le vent qui nous caresse. Je viens de battre mon record de vitesse. On va couper des arbres, entailler des érables, pis en faire des planches de 2 par 8. Fait que surprends-toi donc pas. Si à soir je m'endors vite, c'est toi ma péninsule. J'espère pour toi que tu prends pilule. Viens caresser le ciel. J'espère que tu t'es trimé le poil. Viens écouter les outardes qui disent que je viens de chanter une toune de marbre. Je me suis cogné la tête sur mon clavier. C'est ça que ça a donné. Mais des groupies, j'en ai pas mal. Mon Félix est dans mal. Viens donc dans la nature. Écoute le lit taper sur le mur. Caresse. Je viens de battre mon record de vitesse. On va couper des arbres, entailler des érables, pis en faire des planches de 2 par 8. Fait que surprends-toi donc pas. Si à soir je m'endors vite, c'est toi ma péninsule. J'espère pour toi que tu prends pilule. Viens caresser le ciel. J'espère que tu t'es trimé le poil. À soir la vie est belle. Ça sent le sexe dans les arbres. Toune de marbre. Toune de marbre. Yeah! Encore! Je te vois pas à face, ça me tape sur le Attention aux cassettes! Ouais! Alors, c'est Predge qui vient d'organiser le stage à son goût, mesdames et messieurs. Je sais pas si je faisais ça dans le show de Metallica, ça marcherait, là, mais t'sais. Ouais, ça c'est. Ouais, non, c'est pas pire. Ouais, non, c'est pas pire, hein? Non, mais il y a comme une connexion, en tout cas. Juste pour placer ma chaise un peu. Non, remets-la comme elle. Hey, ma prochaine chanson, c'est une chanson d'amour que j'ai composée dans une période où je jouais énormément à Super Mario 3. Donc, ça va comme si... Allô, Guess. Je te trouve si belle dans ta robe rose que j'ai juste le goût de t'enlever. Mais y'a un monstre qui te retient dans son château hanté. Je suis au beau milieu du désert et le soleil est en calvaire. Mais je suis prêt à risquer ma vie pour t'avoir ne serait-ce qu'une nuit. J'ai traversé les sables mouvants et j'ai marché des kilomètres. J'ai été emporté par un gros coup de vent et j'ai failli perdre la tête. À toute vitesse j'ai couru et je suis passé au travers. Mais y'a le soleil qui me fonce dessus et j'ai pas mis de crème solaire. J'ai vaincu le soleil pour venir te délivrer. J'ai vaincu le soleil parce que je voulais t'aimer. Mais devant mes yeux y'a un écriteau qui dit que t'es dans un autre château. Il fait froid dans ma vie depuis que le soleil est parti. Il y a des plantes carnivores qui me crachent du feu. Le soleil veut me passer sur le corps avec la fureur dans ses yeux. Dans le ciel, il y a des tortues qui en veulent à ma vie. Et y a le soleil qui me fonce dessus, je ne suis pas le bienvenu ici. J'ai chaud et j'ai le corps en sueur dans mon costume de raton laveur. Le soleil veut me carboniser, soudain il décide de me charger. Et quand il arrive assez près, j'y tire une carapace dans gueule. Je vois le soleil qui disparaît, je peux continuer mon chemin tout seul. J'ai vaincu le soleil pour venir te délivrer. J'ai vaincu le soleil parce que je voulais t'aimer. Mais devant mes yeux y'a un écriteau qui dit que t'es dans un autre château. Il fait froid dans ma vie depuis que le soleil est parti. J'ai vaincu le soleil pour venir te délivrer. J'ai vaincu le soleil parce que je voulais t'aimer. Mais devant mes yeux y'a un écriteau qui dit que t'es dans un autre château. Il fait froid dans ma vie depuis que le soleil est parti. Merci! Wow! Merci. Et je profite d'une petite accalmie de l'excellent set de musique de notre ami Jonathan. Oui. Pour vous inviter à aller voir Caroline qui est en train de peindre dans le fond là-bas. Ça nous fait plaisir que des gens profitent de l'ambiance de la Foire de l'Absurde pour laisser aller leur créativité. On a aussi Dr. V ici qui est sur Facebook. Venez voir ça, ça a l'air passionnant. il est en train aussi de faire du montage d'un de ses nouveaux chefs-d'œuvre. Il m'a promis que c'était beau jouer ici à soir tantôt. Merci Tommy. J't'ai rencontré jolie pitonne. Maudit que t'étais belle, maudit que t'étais donc fine. J'ai rencontré jolie demoiselle. Ah, j't'ai demandé si tu voulais sortir avec moi s'il te plaît. Tu m'as dit non pour un paquet de raisons. Parce que j'te faisais chier, j'étais scorpion, ascendant bélier. Parce que j'étais con, parce que j'étais roux, pis que j'avais de l'air un maudit fou. J't'aime comme j'ai jamais aimé personne. Mais tu as refusé mon amour, ça prend-tu une conne? Je t'aimerai jusqu'à la mort. T'es la plus belle au monde à part Drew Barrymore. Quand j'essuyais ton refus, faut dire que je me sentais déchu. Faut dire que j'étais bien déçu. Ah, tu manques en crime, jolie pitoune. Maudit que t'es belle, maudit que t'es donc fine. Depuis que je sais que tu veux pas de moi, ça va mal. Je pleure à toutes les nuits et je regarde Virginie. Question de me changer les idées, mais ça marche pas, pis ça me fait chier. Je t'aime comme j'ai jamais aimé personne. Mais tu as refusé mon amour, ça prend-tu une conne? Je t'aimerai jusqu'à la mort. T'es la plus belle au monde à part Drew Barrymore. Je ne prends pas que tu me flushes. Je te poursuis jusque chez vous et tu trouves ça moche. J'insiste comme un gars vraiment poche. Ah, ben écœuré, t'as pété ta coche. Toi qui es belle, toi qui es tellement fine. Tu m'as sacré un giga méga coup de sacoche. La sacoche était dure, elle m'a donné 30 points de suture. Mes points de suture les plus coriaces sont sur mon cœur qui saigne en masse. T'aimes comme j'ai jamais aimé personne. Mais tu as refusé mon amour, ça prend-tu une conne? Je t'aimerai jusqu'à la mort. T'es la plus belle au monde à part Drew Barrymore. Je te harcèle au téléphone. T'as pas trop l'air de trouver ça le fun. Tu dis des mots d'église et tu me cries des noms. Ah, je t'envoie un paquet de courriels qui disent que t'es donc fine, qui disent que t'es donc belle. Mais c'est ton chum qui les a lus. Il est venu chez nous tantôt pour me casser les dents d'en haut, armé d'une énorme crowbar criant je souhaite que tu sois mort. Je t'aime comme j'ai jamais aimé personne. Mais tu as refusé mon amour, ça prend-tu une conne? Je t'aimerai jusqu'à la mort. T'es la plus belle au monde à part Drew Barrymore. Aujourd'hui j'ai compris la leçon. Pis j't'écœure plus parce que de toute façon je suis à l'hôpital avec un pansement sur le front. Ah, mais je ne t'oublierai jamais. Toi qui es belle, toi qui es toujours fine. Depuis je sais que dans pas grand temps tu viendras chez moi en courant pour venir m'arracher mes vêtements et me sauter dessus comme une tigresse sur mon lit pour y jouer aux fesses. Je t'aime comme j'ai jamais aimé personne. Mais tu as refusé mon amour, ça prend-tu une conne? Je t'aimerai jusqu'à la mort. T'es la plus belle au monde à part Michel Richard. Je t'aime comme j'ai jamais aimé personne. Mais tu as refusé mon amour, ça prend-tu une conne? T'es la plus belle au monde. T'es la plus belle au monde à part Muriel Millard. T'es la plus belle au monde. T'es la plus belle au monde à part Jean-René Dufort. c'est Noël, car il neige dans ma tête. Partout, partout, les flocons sont réunis. C'est Noël, et pour pas que tu t'embêtes, voici pour toi ce joli rubis. Oh, à minuit, nous irons à la messe de minuit pour prier Jésus, notre seul ami. Et après, nous irons chez mon oncle né, qui paraît qu'il fait du maudit bon pâté. Oh, c'est Noël, car il neige dans mon cœur. Les flocons rondent de bonheur. Le sapin entonne les clameurs, car dans la crèche ronronne le sauveur. Et après, pour digérer le réveillon, dans le boguet nous te blottirons comme le bœuf dans la crèche du divin poupon. Poupon, je soufflerai à travers ton manchon. Oh, c'est Noël, car il neige sur la foi. Oui, je crois qu'il mourira en croix. C'est Noël, et j'espère qu'à minuit, oh ma chérie, je serai ton seul messie. Oui, ma chérie, je serai ton seul messie. Merci beaucoup. Gorgée de plus. Vous êtes là, mais tu... Oups, elle a passé de croche, celle-là. on est déjà rendu à mon avant-dernière toune. Ben ouais, ça passe vite, c'est comme ça. Mais, on va parler de grands fantasmes qu'on a eu dans notre vie. Moi, c'est la fille de Call TV. je nommerai pas la fille de Call TV. C'est comme... C'est pas une personne, c'est plus un titre en général. Une entité. Une entité, merci. Je te regarde derrière cette vitre que je ne pourrai jamais traverser. Je te regarde et tu m'invites à prendre un dollar pour t'appeler. Et tu me poses des questions. J'ai la réponse, mais y'a personne qui veut l'entendre. Je te regarde derrière cette vitre et tu te plains que tu es seul. Personne ne t'appelle et tu insistes. Moi j'ai de la bave sur le bord de la gueule. Ton numéro je le sais par cœur. De toute façon, il est affiché au bas de mon téléviseur. J'suis en amour avec la fille de Call TV. Je l'imagine toute nue sur une plage ensoleillée. J'te téléphone à tous les soirs. Quand tu réponds à mon appel, je respire fort et je raccroche. J'suis en amour avec la fille de Call TV. Je l'imagine en baby doll dans mon entrée. Je m'endors en écoutant ta voix. Et je fais des wet dreams à toutes les fois. Je te regarde derrière cette vitre. Tu te plains que personne ne t'appelle. Et je suis seul devant cette vitre. Et ton décolleté m'ensorcelle. S'il y en a qui veulent devenir riches, moi je rêve de venir te rejoindre dans ton studio en Autriche. Je suis en amour avec la fille de Call TV. Je l'imagine qui se penche avec des petites shorts serrées. La place dans mon cœur tu l'occupes. Je rêve de te voir et qu'un coup de vent fasse lever ta jupe. Je suis en amour avec la fille de Call TV. Si son chum entend la toune, je vais manger une volée. Ton visage est si adorable. J'ai collé ta photo d'en face de ma poupée gonflable. Je suis en amour avec la fille de Call TV. Je suis en amour avec la fille de Call TV. Je suis en amour avec la fille de Call TV. Je suis en amour avec la fille de Call TV. La fille de Call TV. Merci. dans une autre toune. Ben, ça sera pas aujourd'hui. Il y a un gars dans Call TV. OK, non. Ça veut dire que la fille que je trouvais qu'elle avait une voix grave, là quand j'y ai dit des affaires que, genre, ma mère faudrait pas que sache qu'elle y a dit, là, c'est un gars, ça? Alors, peut-être une autre fois, il y a du monde des fois qui sont faciles à exciter. Ok. Ouais, il y a du monde qui surveille que je sois pas sous. Ouais, non, c'est bon. Faut jamais être trop sous quand on chante, quoi, que je dis ça. Puis tellement de chanteurs qui se sont fait une réputation juste avec ça. Hey, on est déjà rendu à ma dernière chanson. Hey. Ouais, j'avoue, hein, ouais, je pourrais y recommencer, hein, tu sais. Ah, la calique, c'est pas grave, là, hein, y a personne qui est venu pour ça. c'est une chanson que j'ai appelée Signature. C'est une chanson avec laquelle je vais essayer de finir tous mes spectacles, tu sais. Partir sur... finir sur une note positive, donc... Y'en a qui signent des pactes avec le démon, ou pire encore avec le Parti libéral. Y'en a qui signent des chèques pas de fond, pis Scott Gomez a déjà signé pour Montréal. Y'en a qui signent leur carte de don d'organes, y'en a qui mitent la signature de leurs parents. Y'en a qui signent des livres d'or, y'en a qui signent leur arrêt de mort, pis y'en a qui signent des mots de remerciement. Mais moi, je veux signer tes boules. Tes boules, tes boules, tes boules, je veux signer tes boules. Y'en a qui signent des autographes. Y'en a qui sont forcés de signer s'ils veulent pas manger une baffe. Il y en a qui signent des pétitions ou qui signent des contrats sans lire, puis il y en a qui font des X parce qu'ils savent pas écrire. Mais moi, je veux signer tes boules. Tes boules, tes boules, tes boules, je veux signer tes boules. Mais moi, je veux signer tes boules. Tes boules, tes boules, tes boules, je veux signer tes boules. Mon but, c'est que vous l'ayez dans la tête, là. Avec un marqueur ou avec un crayon de couleur. Avec un stylo ou avec la peinture à l'eau. Je signerai tes lolos si tu viens me voir après le show. Sur tes deux nichons, j'y inscrirai mon nom. Mais moi, je veux signer tes boules. Tes boules, tes boules, tes boules, je veux signer tes boules. Mais moi, je veux signer tes boules. Tes boules, tes boules, tes boules, je veux signer tes boules. Tout le monde! Mais moi, je veux signer tes boules. Tes boules, tes boules, tes boules, je veux signer tes boules. Mais moi, je veux signer tes boules. Tes boules, tes boules, tes boules, tes boules, je veux signer tes boules. Merci tout le monde! Ok, ouais. Falloir que j'explique de quoi dans ma prochaine chanson. J'ai pas de crayon. Eh ben, je voulais remercier tout le monde. Non, c'est correct, c'est juste une toune. Ouais, ben, pas mal, là. Ouais, ok. Ce matin, tu es parti de la maison en maudit après moi. Tu as rempli ta valise de linge, j'aurais jamais pourquoi t'as pris le mien aussi. Si seulement j'avais pas dormi en bobette, j'aurais pu avoir du linge pour cet après-midi. Tu es parti en beau fusil de chasse, les yeux comme des shotguns qui tirent sur un rapace. Je venais vers toi en te suppliant, et tu me garochais les objets contondants. Tu me lançais plein de sacs de vidange mou, tu me lançais des objets enduits de crazy glue. Dans ma boîte de corn pops, t'as mis un cadavre de pigeon et les petits, tu les as paquetés. Le blender de ton abandon a liquéfié mon cœur qui t'aime. Et je te chante cette chanson parce que je veux que tu reviennes. Sans toi, la vie, ça marche pas. J'ennuie toi comme j'ennuie Robin et Stella. Je t'en supplie, ne me dompe pas. Ne me dompe pas, chérie, je n'aime que toi. Je t'ai dit reviens donc, oh s'il te plaît. Tu m'as dit laisse-moi donc tranquille, oh s'il te plaît. J'aurais aimé ça que tu me laisses le petit. Tu m'as dit non car t'es encore enceinte de lui. Mes yeux ont beaucoup de peine. J'aimerais te laver le cerveau pour que tu m'aimes. Mais je me vois mal en train d'expliquer au médecin pourquoi je t'ai fait sniffer du Tide. L'enclume de ton mépris a écrapouti mon âme qui saigne. De toi, je m'ennuie comme de clair-pain paré dans les pubs de beigne. Mon bonheur n'existe plus comme piscine citadelle, ça non plus, ça existe plus. Je t'en supplie, ne me dompe pas. Ne me dompe pas, chérie, je n'aime que toi. Ça, c'est le bout où je fais des bruits désagréables pour vous déstabiliser. Tu me dis que je me force pas pour trouver une job. Depuis que je me suis fait mettre dehors de chez Steinberg, tu me dis que je m'habille comme la chienne à Jacques. C'est vrai qu'Arelle et moi, on s'habille chez Greenberg. De toute évidence, tu n'aimes pas mon tailleur. M'a dit c'est une maudite chance que j'ai pas acheté les quatre. Pis t'aimes pas le fait que pendant que nous faisions l'amour, je te contais des jokes de bébé mort. le scalpel de ta colère a disséqué ma joie de vivre et ma vie devient un enfer. En plus, il m'a laissé pour un grand Steve. Le fait que tu vas jamais reviendre a fait upgrader en moi le goût de me plaindre. Je t'en supplie, ne me dompe pas, ne me dompe pas, chérie, je n'aime que toi. T'es parti la veille de la Saint-Valentin, au moins j'ai sauvé 10 piastres de cadeaux. Tu me manques, c'est certain, mais pas autant que Patrick Huneau. Ma vie est tout en morceaux, comme le mendiant que j'avais smashé avec ton auto. Je t'en supplie, ne me dompe pas, ne me dompe pas, chérie, je n'aime que toi. Ne me dompe pas, ne me dompe pas, chérie, je n'aime que toi. Ne me dompe pas, ne me dompe pas, ne me dompe pas. Merci. Donc, merci à tout le monde. Merci au brouhaha, à l'organisation de la Foire de l'absurde. Merci à Mathieu aussi de m'avoir aidé à m'installer. Puis merci aussi à ma blonde de m'avoir amené un verre. Allô? je laisse la parole à Tommy. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. Hey, Jonathan Simon, mesdames, messieurs, donnez-y, là. Son nom de famille, il paraît, c'est Mean Machine. Ah ouais, il y a deux prénoms, ce gars-là. Non, on va l'avoir. Et voilà. Donc, c'est la 7e Foire de l'absurde. Il arrive toutes sortes de magie durant ces moments magiques-là. Et ceux qui ont croisé le dernière heure cette semaine verront peut-être... Je trouve ça super ironique que à peu près toute ma décoration intérieure soit faite de choses que j'ai découpées dans des revues vacuites et que finalement j'ai droit à mon 4 pages dans une revue vacuite. C'est quelque chose. Merci beaucoup à la journaliste. Il y a une très belle photo de l'enfer des Schtroumpfs qui est une des pièces que je préfère. Et on a aussi Patrick et Franck Apache de super méchants dedans. Je pense qu'ils vont être contents, eux autres aussi. Il y a Ricardo et toutes sortes d'autres choses, là, ceux qui sont déjà passés. Il y a surtout aussi la très belle peinture de moi en sirène que Louis-Ernest a fait. Et ça, les gens s'en souviennent, début 2012, on savait tous que c'était notre dernière année sur Terre. Et donc, j'ai décidé d'avouer à tout le monde quel était mon rêve depuis toutes ces années. Et mon rêve, c'était d'un jour être une sirène. Et vu que c'était notre dernière année, on